Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Je pense que la langue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Bon, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas. Des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. Ah oui, j'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, ça n'est pas mal non plus. Hein? Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Tout de même, je ne me serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Mais sur quoi? Surtout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici. Car enfin, si elles y étaient venues. Les balles, les grilles, les entonnoirs de cuivre. Vous voulez rire? Ah? Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace? Pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Et pourquoi m'a-t-on enlevé ma brosse à dents? Voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient. Que je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas. Oh là là là là là là. Non mais excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent. Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande. Et pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans les glaces, hein? Tandis que le bronze a la bonne heure. Hein, j'imagine qu'à certains moments, je le regarderais de tous mes yeux. De tous mes yeux, hein? Allons, allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je raconte comment ça se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Quel cauchemar, hein? Alors, on vous a sans doute défendu de me répondre, je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents. Pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Dame. Je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on, hein? Le sommeil vous prend derrière les oreilles, vous sentez vos yeux qui se ferment. Mais pourquoi dormir? Vous vous allongez sur le canapé le sommeil s'envole. Faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. Est-ce que vous êtes malade? Taisez-vous. Je ne crierai pas, je ne gémirai pas. Mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi. Par derrière, sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque. Alors c'est qu'on n'a même pas sommeil. Et pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Fait. Attendez, attendez, pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? Mais j'y suis! C'est la vie sans coupure! Quelle coupure? Quelle coupure! Regardez-moi. J'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Mais ma parole sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous battions les paupières, un clin d'œil, ça s'appelait. Oui, un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève. La coupure est faite. L'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Ah, vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure. 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors, je vais vivre sans paupières. Mais ne faites pas l'imbécile, sans paupières, sans sommeil, c'est tout un. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Écoutez, essayez de comprendre. Hein? Faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous? Et j'ai l'habitude de me taquiner. Mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait des nuits, je dormais. J'avais le sommeil douillet, oui, par compensation. Je me faisais faire des rêves simples. Voilà. Il y avait une prairie. Une prairie, c'est tout. Je rêvais, je me promenais dedans. Est-il jour? Ben vous voyez bien. Les lampes sont allumées. Parbleu, c'est ça votre jour. Et dehors? Dehors? Dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Bon, et au bout de ce couloir? Ben, il y a d'autres chambres et d'autres couloirs. Et des escaliers. Et puis? C'est tout. Vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons au troisième étage. Oh, j'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant. Mais je ne me rappelle pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Et nous avons l'électricité à discrétion. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Ah, vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts, pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Trop lourd? Oui, vous avez raison, il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Attendez. C'est une sonnette, là? Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, oui. Mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche! Elle marche! Oh, vous emballez pas, ça va pas durer. Allons, à votre service. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, un coupe-papier. Il y a des livres ici? Non. Bon. Bon, alors au revoir.